إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات، حياكم الله على طاعتي. Nous allons poursuivre l'explication du livre de la purification de Boulour el-Maram. Et nous nous sommes arrêtés au hadith d'Abu Hurayra radiallahu anhu. Donc l'auteur il dit: وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. Donc il rapporte également, c'est-à-dire Abu Huraira رضي الله عنه: lorsque l'un de vous se réveille, qu'il lave sa main trois fois avant de l'introduire dans le récipient, car il ne sait pas où sa main a pu se poser au cours de son sommeil. Le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: lorsque l'un de vous se réveille, est-ce qu'ici le terme se réveille indique la généralité ou bien indique-t-il un réveil particulier? Les savants ont divergé, Ikhwani fillah, sur cette question. L'avis de la majorité est que ceci englobe chaque moment de la journée, que ce soit le jour ou la nuit. Selon cet avis, celui qui dort avant la prière du Dhuhr, par exemple, et qui se réveille avant la prière pour faire les ablutions, il doit se laver les mains trois fois avant de les introduire dans le récipient. Pareil pour l'ensemble des prières. Quant à certains savants, dont l'imam Ahmed, rahimahullah, et d'autres, ils sont d'avis que ceci est spécifique pour la nuit. C'est-à-dire que seul celui qui se réveille pour prier la prière de nuit ou la prière du Fajr doit laver ses mains trois fois avant de les introduire dans le récipient. Et ceci est l'avis le plus juste. Premièrement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il a utilisé le terme « bata ». Et ce terme-là est utilisé pour la nuit. Et deuxièmement, car dans certaines versions du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné très clairement la nuit, comme dans la version rapportée par At-Tirmidhi et Ibn Majah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا استيقظ أحدكم من الليل, lorsque l'un de vous se réveille de sa nuit, et ceci est donc l'avis le plus juste. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith qu'il lave sa main, ceci est un ordre. Et les savants nous disent que l'ordre indique soit le caractère obligatoire de la chose, ou bien il indique que cette chose est recommandée. Et donc la question qu'on se pose ici est: qu'est-ce que l'ordre indique dans ce hadith lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il lave sa main? La réponse à cette question, ikhwani fillah, et que l'ordre indique le caractère obligatoire de la chose, c'est-à-dire qu'il est obligatoire pour celui qui se réveille pour prier la prière de nuit ou la prière du Fajr de se laver les mains 3 fois en dehors du récipient. Mais est-ce que cela veut dire que celui qui viendrait à laver ses mains dans le récipient, ses ablutions ne seront pas valides? La réponse à cette question est non, car ceci n'est pas un annulatif des ablutions. Ces ablutions restent valides, inshallah. Par contre, il a commis un péché. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à la fin de ce hadith, car il ne sait pas où sa main a pu se poser au cours de son sommeil. Et ce qui est voulu par cette phrase, c'est le fait que la main de celui qui dort peut être dans des endroits de son corps qui sont impurs, ou bien ce qui est voulu, c'est une chose de l'invisible. Comme dans le hadith précédent, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un de vous se réveille, qu'il lave son nez 3 fois, car Satan passe la nuit dans ses sinus. Et l'avis le plus juste est qu'on ne peut pas être sûr ni de l'un ni de l'autre, malgré que selon certains savants, tel que l'imam Shafi'i et d'autres, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est due à l'état des Arabes à l'époque, car ils dormaient souvent sans sarawil. Et donc, il se peut que leurs mains, par inadvertance, soient en contact avec des parties impures ou même des impuretés. Notamment que la plupart d'entre eux, comme l'ont mentionné les savants, utilisaient des pierres pour nettoyer leurs parties intimes. Mais comme nous l'avons mentionné précédemment, on ne peut rien affirmer avec certitude. Et donc on tire de ce hadith plusieurs enseignements. Premier enseignement que nous tirons, c'est l'obligation pour celui qui se lève pour prier la prière de nuit ou la prière du Fajr, de se laver les mains 3 fois avant de les rentrer dans le récipient. Le deuxième enseignement, l'obligation de faire les ablutions après avoir dormi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith: lorsque l'un de vous se réveille, qu'il lave sa main 3 fois avant de l'introduire dans le récipient. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, l'auteur il nous dit par la suite, Laqit ibn Sabura radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, accomplis parfaitement tes ablutions, fais couler l'eau entre tes doigts et inspire profondément l'eau par le nez, sauf si tu jeûnes. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, accomplis parfaitement tes ablutions, c'est-à-dire accomplis les ablutions de telle sorte qu'elles soient complètes. Par exemple, lorsque tu laves tes mains jusqu'au coude, lave-les du bout de tes doigts jusqu'au coude. Et fais passer l'eau partout. Et ceci est valable pour l'ensemble des membres des ablutions. Et lorsqu'il dit, fais couler l'eau entre tes doigts, ceci est général. Cette parole englobe les mains et aussi les orteils. Et il est plus recommandé de faire couler l'eau entre les orteils, car souvent ils sont collés. Et il est donc nécessaire de faire couler l'eau entre les orteils. Malgré cela, ceci est une sunna et ce n'est pas obligatoire. Et la preuve de cela, ikhwani fillah, est que ceci a été rapporté dans certains hadiths et n'a pas été rapporté dans d'autres. Ce qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait tout le temps. Et de ce fait, ce n'est pas obligatoire. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et inspire profondément l'eau par le nez, sauf si tu jeûnes. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne d'inspirer profondément l'eau par le nez lors des ablutions. Et ici, l'ordre ne montre pas l'obligation. Il montre plutôt la recommandation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exclu lorsque la personne est en état de jeûne. Et si cela aurait été obligatoire, on l'aurait ordonné en tout temps. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la fin de ce hadith, sauf si tu jeûnes, c'est-à-dire que ça soit un jeûne obligatoire ou surérogatoire. Aussi, si le fait d'inspirer profondément l'eau par le nez te nuit, à ce moment-là, n'inspire pas l'eau profondément, car cela peut être nuisible pour certaines personnes. Et cela peut même être une cause que la personne tombe malade. Il n'est donc pas légiféré d'inspirer profondément l'eau par le nez dans ce cas-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 195 de Sourate al-Baqarah, il dit Wala tulqu bi-aydikum ila tahlukah, et ne vous jetez pas volontairement dans la perdition. Et il dit aussi Azza wa Jal Wala taqtulu anfusakum, ne vous tuez pas vous-même. Et par la suite, l'auteur, il nous mentionne la formulation d'Abu Daoud. Il dit sous une formulation d'Abu Daoud, lorsque tu accomplis tes ablutions, rince-toi la bouche. Dans cette formulation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne de se rincer la bouche lors des ablutions. Et l'ordre ici montre l'obligation, car ceci est la base d'une part, et d'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé le rinçage de la bouche lors des ablutions. Et l'auteur, par cette formulation, veut nous montrer l'obligation de se rincer la bouche lors des ablutions. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nous tirons de ce hadith plusieurs enseignements. Le premier enseignement qu'on peut tirer de ce hadith est l'intérêt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait à l'enseignement de sa communauté, car il leur recommandait ce qui complète leur religion. Le deuxième enseignement, la légitimité de parfaire ses ablutions. Et parfaire ses ablutions se divise en deux. La première catégorie, c'est lorsque c'est obligatoire. Et la deuxième catégorie, c'est lorsque c'est recommandé. C'est obligatoire de laver ses membres une fois. Et c'est recommandé de laver ses membres trois fois. Et la sunna est que la personne varie. C'est-à-dire, des fois, elle lave ses membres une fois, d'autres deux fois, et parfois trois fois. Mais il ne doit pas laver ses membres plus de trois fois, car ceci est de l'exagération. Et aussi parfois, il se lave le visage trois fois, les mains deux fois et les pieds une fois, car ceci a été rapporté dans certains ahadiths. Et il convient de faire tout ce qui est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que la sunna ne soit pas oubliée, car sa mise en pratique est une cause de sa préservation. Le troisième enseignement est la légitimité de faire couler l'eau entre les doigts. Et faire couler l'eau entre les doigts lors des ablutions se divise en deux. La première catégorie, c'est lorsque c'est obligatoire. Et c'est lorsque l'on sait que l'eau ne va pas couler entre les doigts. Que ça soit dû à la petite quantité d'eau avec laquelle nous allons faire nos ablutions, ou bien à cause du fait que les doigts soient serrés. Et des fois, c'est recommandé lorsqu'on sait que l'eau va passer entre les doigts. Donc à ce moment-là, c'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Et concernant le hadith qui est connu, celui qui ne fait pas couler l'eau entre ses doigts pendant les ablutions, il le fera dans le feu de l'enfer. Ceci est un hadith inventé, car le fait de faire couler l'eau entre les doigts lors des ablutions est une sunna. Le quatrième enseignement est que le musulman doit prendre ses précautions en ce qui concerne ses adorations. C'est pour cela que le jeûneur ne doit pas inspirer profondément l'eau par le nez, de peur que l'eau arrive dans son estomac. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.